Tu bénis Noé et ses fils. Tu redonnes la terre à habiter. Tu rappelles que la vie est sacrée et que le sang ne peut être méprisé. Tu places un signe dans les nuages, un arc de lumière dans la pluie, pour rappeler à chaque génération que ton alliance ne s'enfuit pas. Même quand les cieux se couvrent, tu laisses une promesse visible. Quand l'orage traverse le ciel, tu dessines encore ta fidélité. Un arc se lève sur nos tempêtes pour rappeler que nous sommes aimés. Quand l'orage traverse le ciel, tu n'as pas oublié la vie, même dans les nuages les plus lourds. Ta promesse reste inscrite ici. Mais même dans la nouvelle terre, la fragilité reste en nous. Chancelle dans sa nudité, et l'honneur se dévoile dans les choix de tous. Tu montres que la faute n'a pas disparu, même après le grand pardon, mais qu'à chaque chute une voix se lève entre honte et restauration. Quand l'orage traverse le ciel, encore ta fidélité. Un arc se lève sur nos tempêtes pour rappeler que nous sommes aimés. Quand l'orage traverse le ciel, tu n'as pas oublié la vie, même dans les nuages les plus lourds. Ta promesse reste inscrite ici. Ta promesse couvre encore nos failles.